Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo concernant votre ascendant. Alors l'ascendant, vous en entendez très souvent parler, mais vous vous demandez certainement souvent ce que cela signifie. Donc par exemple, moi je suis Balance, ascendant Capricorne. Alors l'ascendant, en fait, il complète votre signe solaire. Donc moi par exemple, je suis Balance parce que le Soleil, le 26 septembre, le jour où je suis née, était en Balance. Donc c'est vrai que cela... La position de votre soleil et donc de votre signe solaire se voit assez rapidement. C'est en fonction de votre jour de naissance. Mais ensuite, en fonction de votre ville de naissance, la latitude et la longitude de la ville et en fonction de votre heure de naissance exacte, eh bien, vous pouvez calculer votre ascendant. C'est un point vraiment essentiel de votre thème astral. Donc, votre signe astrologique, il est défini en fonction de la position du soleil en signe. Et il représente votre volonté, votre personnalité, votre nature profonde. Et l'ascendant, lui, eh bien, il représente davantage ce que vous allez représenter aux autres, montrer. C'est votre image, votre comportement avec les autres. Il représente aussi votre physique et votre constitution physique. Par exemple, les ascendants taureaux, ils sont souvent très ancrés sur la terre et donc ils ont un côté solide physiquement, une constitution assez robuste souvent. Alors, connaître son ascendant en plus de son signe astral, il donne davantage d'éléments sur votre personnalité et cela vous aide à mieux vous connaître. La combinaison, eh bien, elles sont souvent nombreuses, mais vous pouvez avoir par exemple un signe astral et un ascendant qui vont un peu dans le même sens. Et aussi, vous avez le contraire, un ascendant, un signe solaire et un ascendant qui sont plus contradictoires, mais qui finalement s'avèrent complémentaires. Par exemple, si j'avais été Balance ascendant Lion, ça va un petit peu dans le même sens au niveau de l'extraversion, de la communication, de la coquetterie. J'aurais été plus dans le besoin de représentation, de me mettre en avant. Mais je suis Balance ascendant Capricorne et ici le Capricorne, il apporte à la Balance le besoin d'avoir plus de retenue, de profondeur, peut-être un besoin aussi de réfléchir, d'analyser, de se contrôler davantage. Ça apporte aussi un côté plus sobre, moins spontané, plus méfiant, mais plus authentique aussi. Voilà un petit exemple. Alors, en gros, ça vous donne beaucoup d'indications, cet ascendant, en plus de votre signe solaire, comme vous pouvez le voir. Et c'est la base de votre thème natal ascendant. Donc, signe solaire tout d'abord, bien sûr, selon votre jour de naissance, et ascendant en fonction de la ville et de l'heure de naissance. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui ne se reconnaissent pas du tout, alors vraiment pas dans leur signe astrologique, et qui vont davantage se reconnaître, surtout après 30 ans, dans leur ascendant. Donc, c'est toujours vraiment intéressant de le connaître ou de connaître l'ascendant de proche de la personne qu'on convoite, par exemple, etc. Alors, tout ça, c'est très bien, mais alors comment on calcule, comment on connaît cet ascendant? Eh bien, pour calculer son ascendant, c'est assez compliqué. Je ne vous le cache pas, hein. C'est comme lorsqu'on calcule le thème astral, la position des planètes. Tout cela demande vraiment beaucoup de calculs différents, de références aux éphémérides, à des tableaux. Par exemple, je vous montre ici une page des éphémérides. Vous voyez mon gros bouquin là qui a été beaucoup utilisé, qui est un peu usé. Là, ce sont les éphémérides. On a également le bouquin des maisons astrologiques avec tous des tableaux qui permettent, après calcul, de monter votre thème astral. Cela prend beaucoup de temps quand on le fait à la main. Pour éviter toutes ces heures de calcul et aussi des risques plus élevés de se tromper, eh bien maintenant, je ne vous le cache pas, la majorité des astrologues et des sites internet, eh bien, ils vous proposent un calcul précis de votre thème astral et de votre ascendant grâce au logiciel d'astrologie. Alors, concernant votre ascendant, puisqu'on y revient, on va regarder ensemble comment le calculer sur notre site internet. Alors voilà, donc nous sommes sur l'écran d'accueil de mon ordinateur, donc dans le moteur de recherche, vous tapez mon Astro Center et vous, comme vous pouvez le voir ici, apparaît sur l'écran monastrocenter.fr, donc vous l'ouvrez, vous cliquez dessus. Le site s'ouvre et comme vous pouvez le voir à droite ici de l'écran, vous avez les trois petites barres qui est le menu en fait que la page d'accueil vous propose. Donc vous cliquez ici et là voici le menu qui vous est proposé par Astro Center et vous cliquez dans Astrologie. Voilà, donc la page astrologie d'Astro Center va s'ouvrir. Et là, vous descendez. Vous pouvez lire tous les petits articles que vous croisez, bien sûr. Sinon, vous descendez directement et vous arrivez sur les fondamentaux de l'astrologie. Et là, comme vous pouvez le voir, le premier article, c'est « Calcul de l'ascendant gratuit, la formule astrologique ». Vous cliquez dessus. Et on est sur la page calcul de l'ascendant gratuit, la véritable formule astrologique. Vous pouvez lire notre petit article et vous descendez. Et voilà, vous arrivez sur la page pour calculer votre ascendant. Et donc voilà, moi je vais indiquer quelqu'un par exemple qui est né le 10. Alors on va mettre le 10 juin. De l'année, alors on va faire quelqu'un d'un peu plus vieux, allez, 1987. Et à quelle heure? Donc là, vous indiquez l'heure de naissance. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander à vos parents. Sinon, vous demandez, si ce n'est pas possible, l'idéal, c'est de demander un extrait d'acte de naissance à votre commune, de naissance, et ils ne pourront pas vous le refuser. Et vous aurez à ce moment-là votre heure de naissance. Vous voyez, vous allez voir, parfois on a des surprises. On a des surprises parce que l'heure de naissance que vous ont donné peut-être votre entourage à un quart d'heure près peut changer. Donc sur l'acte de naissance, vous aurez l'heure exacte. Alors la ville, je vais mettre Paris. Voilà, France. Donc j'ai bien indiqué le jour, quelqu'un qui est né le 10. Le mois juin de l'année 87 à 3h41 à Paris en France et on lance calculer l'ascendant. Et voilà, vous voyez que cette personne est née, donc qui est née le 10 juin 87, est Gémeaux bien sûr, mais est également donc ascendant Taureau. Et puis donc vous connaissez votre ascendant et vous pouvez découvrir votre portrait en cliquant sur découvrir mon portrait. Et voilà, Gémeaux ascendant Taureau, c'est quelqu'un de pragmatique et vous pouvez lire le descriptif que l'on vous a fait pour chaque combinaison. Voilà, un ascendant avec les pieds sur terre, voilà l'ascendant Taureau, qu'est-ce que cela donne avec la personnalité plus volatile du Gémeaux, etc., etc. Les personnes connues qui ont cette même combinaison, etc. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver sur notre site Mon Astro Center et n'hésitez pas donc à revoir cette vidéo pour pouvoir calculer votre ascendant. À bientôt.